Chérie, t'es trop belle, dis-moi ce que tu veux. Tu me dis que tu m'aimes, je veux lire dans tes yeux. Raconte-moi des trucs que personne sait. Montre-moi des choses que personne voit. Fais-moi des boys professionnels, comme si demain tu me revois pas. Me fais pas lance. Le feu dans tes yeux me dit que tu sais faire les boys. J'ai comme l'impression qu'on va bien ensemble. Et quand on danse, c'est vraiment fort en ça. Et quand ton corps et mon corps font la choré, choré, choré, c'est fort comme dans un movie, movie, movie. Toute la nuit on fait la choré, choré, choré. Toute la nuit on fait un movie, movie, movie. Aïe, aïe, aïe, bébé, veux-tu danser, faire les boys? Aïe, aïe, choré, je connais la choré, tous les boys. Aïe, aïe, bébé, veux-tu danser, faire les boys? Aïe, aïe, nouvelle, la nouvelle choré avant moi. J'ai que ton visage en tête quand je roule sur la bécane, que je prends des flashs maliches. Et je traverse tout Paname pour venir te voir. J'espère que t'as la forme, machin de la salle. J'ai poussé mon max, mais il me reste de la force. Fais-moi des bousses à partout, partout, partout, partout, partout. Fais-moi des bails professionnels. Fais-moi la Champions League, tu me voulais moi. J'suis là. Maintenant faut faire les bails pour pas que je taille là-bas. Le charbon sur ma chiche en train de s'éteindre. J'rallume. Il fait un peu trop chaud, j'enlève mon haut. J't'allume. J'suis balèze comme Statham, j'suis balèze comme Stallone. J'suis une putain de rockstar, un peu comme Post Malone. Bébé, veux-tu danser, faire les boys? Corée, j'connais la Corée, tous les boys. Bébé, veux-tu danser, faire les boys? Nouvelle, la nouvelle Corée avant moi. Bébé, veux-tu danser, faire les boys? Corée, j'connais la Corée, tous les boys. Bébé, veux-tu danser, faire les boys? Nouvelle, la nouvelle Corée avant moi. C'est fort comme dans un movie, movie, movie. Toute la nuit on fait la choré, choré, choré. Toute la nuit on fait un movie, movie, movie. Choré, choré, choré. C'est fort comme dans un movie, movie, movie. Toute la nuit on fait la choré, choré, choré. Toute la nuit on fait un movie, movie.